San Francesco à Ripa. Ariste Dorant, on traitait ce sujet, ce qui a donné à Eraste l'idée de le traiter aussi. 30 septembre. Je traduis d'un chroniqueur italien les détails des amours d'une princesse romaine avec un français. C'était en 1726, au commencement du dernier siècle. Tous les abus du népotisme fleurissaient alors à Rome. Jamais cette cour n'avait été plus brillante. Benoît XIII, Orsini, régnait. Ou plutôt son neveu, le prince Campobasso, dirigeait sous son nom toutes les affaires grandes et petites. De toutes parts, les étrangers affluaient à Rome. Les princes italiens, les nobles d'Espagne, encore riches de l'or du Nouveau Monde, y accouraient en foule. Tout homme riche et puissant s'y trouvait au-dessus des lois. La galanterie et la magnificence y semblaient la seule occupation des temps d'étrangers et des nationaux réunis. Les deux nièces du pape, la comtesse Orsini et la princesse Campobasso, se partageaient la puissance de leur oncle et les hommages de la cour. Leur beauté les aurait fait distinguer même dans les derniers rangs de la société. L'Orsini, comme on dit familièrement à Rome, était gaie et disinvolta. La Campobasso tendre et pieuse, mais cette âme tendre était susceptible des transports les plus violents. Sans être ennemie déclarée, quoique se rencontrant tous les jours chez les papes et se voyant souvent chez elle, ces dames étaient rivales en tout. Beauté, crédit, richesse. La comtesse Orsini, moins jolie mais brillante, légère, agissante, intrigante, avait des amants dont elle ne s'occupait guère et qui ne régnaient qu'un jour. Son bonheur était de voir 200 personnes dans ses salons et d'y régner. Elle se moquait fort de sa cousine, la Campobasso, qui, après s'être fait voir partout 3 ans de suite avec un duc espagnol, avait fini par lui ordonner de quitter Rome dans les 24 heures, et ce, sous peine de mort. Depuis cette grande expédition, disait Orsini, ma sublime cousine n'a plus souri. Voici quelques mois surtout qu'il est évident que la pauvre femme meurt d'ennui ou d'amour, et son mari, qui n'est pas gaucher, fait passer cette ennui aux yeux du pape, notre oncle, pour de la haute piété. Je m'attends que cette piété la conduira à entreprendre un pèlerinage en Espagne. La Campobasso était bien éloignée de regretter son espagnol qui, pendant 2 ans au moins, l'avait mortellement ennuyée. S'il le regrettait, elle le t'envoyait chercher, car c'était un de ses caractères naturels et passionnés, comme il n'est pas rare d'en rencontrer à Rome. D'une dévotion exaltée, quoique à peine âgée de 23 ans et dans toute la fleur de sa beauté, il lui est arrivé de se jeter aux genoux de son oncle en le suppliant de lui donner la bénédiction papale qui, comme on le sait passer, à l'exception de 2 ou 3 péchés atroces, absout tous les autres, même sans confession. Le bon Benoît XIII pleurait de tendresse. « Lève-toi, ma nièce, lui disait-il. Tu n'as pas besoin de ma bénédiction. Tu veux mieux que moi aux yeux de Dieu. » En cela, bien qu'infallible, il s'est trompé, ainsi que Romantière. La Campobasso était éperdument amoureuse. Son amant partageait sa passion, et cependant, elle était fort malheureuse. Il y avait plusieurs mois qu'elle voyait presque tous les jours les chevaliers de Sénécé, neveu du duc de Saint-Aignan, alors ambassadeur de Louis XV à Rome. Fils d'une des maîtresses du régent Philippe d'Orléans, le jeune Sénécé jouissait en France de la plus haute faveur. Colonel depuis longtemps, quoiqu'il ait à peine 22 ans, il avait les habitudes de la fatuité, et ce qui le justifie, sans toutefois en avoir le caractère. La gaieté, l'envie de s'amuser de tout et toujours, l'étourderie, le courage, la bonté formaient les traits les plus saillants de ce singulier caractère. Et l'on pouvait dire alors, à la louange de la nation, qu'il en était un échantillon parfaitement exact. En les voyant, la princesse de Campobasso l'avait distingué. « Mais, lui avait-elle dit, je me méfie de vous, vous êtes français. Mais je vous avertis d'une chose, les jours où l'on saura dans Rome que je vous vois quelquefois en secret, je serai convaincu que vous l'avez dit et je ne vous aimerai plus. » Tout en jouant avec l'amour, la Campobasso s'était éprise d'une passion véritable. Sénécé aussi l'avait aimée, mais il y avait déjà 8 mois que leur intelligence durait, et le temps, qui redoublait la passion d'une Italienne, tue celle d'un Français. La vanité du chevalier le consolait un peu de son ennui. Il avait déjà envoyé à Paris 2 ou 3 portraits de la Campobasso. Du reste comblé de tous les genres de biens et d'avantages, pour ainsi dire, de l'enfance, il portait l'insouciance de son caractère jusque dans les intérêts de la vanité, qui d'ordinaire maintient si inquiet le cœur de sa nation. Sénécé ne comprenait nullement le caractère de sa maîtresse, ce qui fait que quelquefois sa bizarrerie l'amusait. Bien souvent encore, le jour de la fête de Sainte-Balbine, dont elle portait le nom, il lui avancre les transports et les remords d'une piété ardente et sincère. Sénécé ne lui avait pas fait oublier la religion, comme il arrive auprès des femmes vulgaires d'Italie. Il avait vaincu de vive force, et les combats se renouvelaient souvent. Cet obstacle, le premier que ce jeune homme comblé par les hasards eut rencontré dans sa vie, l'amusait et maintenait vivante l'habitude d'être tendre et attentif auprès de la princesse. De temps à autre, il croyait de son devoir de l'aimer. Il y avait une autre raison fort peu romanesque, ce n'est avec un confident. C'était son ambassadeur, le duc de Saint-Aignan, auquel il rendait quelques services par la Campobasso qui savait tout. Et l'importance qu'il acquérait aux yeux de l'ambassadeur le flattait singulièrement. La Campobasso, bien différente de Sénécé, n'était nullement touchée des avantages sociaux de son amant. Être ou n'être pas aimé était tout pour elle. « Je lui sacrifie mon bonheur éternel, se disait-elle. Lui, qui est un hérétique, un français, ne peut rien me sacrifier de pareil. » Mais le chevalier paraissait, sa gaieté, si amable, intarissable, cependant si spontanée, étonnait l'âme de la Campobasso et la charmait. À son aspect, tout ce qu'elle avait formé le projet de lui dire, toutes les idées sombres disparaissaient. Cet état si nouveau pour cette âme altière durait encore longtemps après que Sénécé avait disparu. Elle finit par trouver qu'elle ne pouvait penser, qu'elle ne pouvait vivre loin de Sénécé. La mode à Rome, qui, pendant deux siècles, avait été pour les Espagnols, commençait à revenir un peu aux Français. On commençait à comprendre ce caractère qui porte le plaisir et le bonheur partout où il arrive. Ce caractère ne se trouvait alors qu'en France, et, depuis la Révolution de 1789, ne se trouve nulle part. C'est qu'une gaieté si constante a besoin d'insouciance. Il n'y a plus personne de carrière sûre en France, pas même pour l'homme de génie s'il en est. La guerre est déclarée entre les hommes de la classe des Sénécé et les restes de la nation. Rome aussi était bien différente alors de ce qu'on la voit aujourd'hui. On ne se doutait guère en 1726 de ce qui devait y arriver 67 ans plus tard, quand le peuple, payé par quelques curés, égorgeait les Jacobins Basseville qui voulaient, disait-il, civiliser la capitale du monde chrétien. Pour la première fois, auprès de Sénécé, la Campobasso avait perdu la raison. S'était trouvée dans le ciel ou horriblement malheureuse pour des choses non approuvées par la raison. Dans ce caractère sévère et sincère, une fois que Sénécé ait vaincu la religion, qui pour elle était bien autre chose que la raison, cet amour devait s'élever rapidement jusqu'à la passion la plus effrénée. La princesse avait distingué Monseigneur Ferraterra, dont elle avait entrepris la fortune. Que devine-t-elle quand Ferraterra lui annonça que non seulement Sénécé allait plus souvent que de coutume chez l'Orsini, mais encore était cause que la comtesse venait de renvoyer un castrat célèbre, son amant en titre depuis plusieurs semaines. Notre histoire commence le soir du jour où la Campobasso avait reçu cette annonce fatale. Elle était immobile dans un immense fauteuil de cuir doré. Posée auprès d'elle, sur une petite table de marbre noir, deux grandes lampes d'argent au long pied. Chef d'œuvre du célèbre Benvenuto Cellini, éclairait ou plutôt montrait les ténèbres d'une immense salle au rez-de-chaussée de son palais ornée de tableaux noircis par le temps. Car déjà à cette époque, le règne des grands peintres datait de loin. Vis-à-vis de la princesse presque à ses pieds, sur une petite chaise de bois d'ébène garnie d'ornements d'or massif, le jeune Sénécé venait d'étaler sa personne élégante. La princesse le regardait, et depuis qu'il était entré dans cette salle, loin de voler à sa rencontre et de se jeter dans ses bras, et ne lui avait pas adressé une parole. En 1726, déjà Paris était la cité reine des élégances de la vie et des parures. Sénécé en faisait venir régulièrement par des courriers tout ce qui pouvait relever les grâces d'un des plus jolis hommes de France. Malgré l'assurance si naturelle à un homme de ses rangs, qui avait fait ses premières armes auprès des beautés de la cour du régent et sous les directions du fameux Canillac, son oncle, un des rouets de ce prince, bientôt, il fut facile de lire quelques embarras sur les traits de Sénécé. Les beaux cheveux blonds de la princesse étaient un peu en désordre. Ses grands yeux bleus foncés étaient fixés sur lui. Leur expression était douteuse. S'agissait-il d'une vengeance mortelle? Était-ce seulement le sérieux profond de l'amour passionné? Ainsi, vous ne m'aimez plus, dit-elle en fin de voix oppressée. Un long silence suivit cette déclaration de guerre. Il en coûtait à la princesse de se priver de la grâce charmante de Sénécé qui, si elle ne lui faisait pas de scène, était sur le point de lui dire sans folie. Mais elle avait trop d'orgueil pour lui faire de s'expliquer. Une coquette jalouse pour amour propre, une femme galante l'est par habitude, une femme qui aime avec sincérité passionnément à la conscience de ses droits. Cette façon de regarder, particulière à la passion romaine, amusait fort Sénécé. Il y trouvait profondeur et incertitude, on voyait l'âme à nu pour ainsi dire. L'Orsini n'avait pas cette grâce. Cependant, comme cette fois le silence se prolongeait outre mesure, Le jeune Français, qui n'était pas bien habile dans l'art de pénétrer les sentiments cachés d'un cœur italien, trouva un air de tranquillité et de raison qui le mit à son aise. Du reste, en ce moment, il avait un chagrin. En traversant les caves et les souterrains qui, d'une maison voisine du palais Campobasso, les conduisaient dans cette salle basse, la broderie toute fraîche d'un habit charmant et arrivé de Paris la veille s'était chargée d'étoiles d'araignée. La présence de ces toiles d'araignée le mettait mal à son aise, et d'ailleurs il avait cet insecte en horreur. Sénécé, croyant voir du calme dans l'œil de la princesse, songeait à éviter la scène, à tourner le reproche au lieu de lui répondre, mais porté au sérieux par la contrariété qu'il éprouvait. Ne serait-ce point ici une occasion favorable, se disait-il, pour lui faire entrevoir la vérité? Elle vient de poser la question elle-même, voilà déjà la moitié de la nuit évitée. Certainement il faut que je ne sois pas fait pour l'amour. Je n'ai jamais rien vu de si beau que cette femme avec ses yeux singuliers. Il a de si mauvaises manières, elle me fait passer par des souterrains dégoûtants. Mais c'est la nièce du souverain auprès duquel les rois m'envoyaient. De plus, elle est blonde dans un pays où toutes les femmes sont brunes. C'est une grande distinction. Tous les jours j'entends porter sa beauté au nu par des gens dont le témoignage n'est pas suspect et qui sont en milieu de penser qu'ils parlent à l'heureux possesseur de tant de charme. Quant au pouvoir qu'un homme doit avoir sur sa maîtresse, je n'ai point d'inquiétude à cet égard. Si je veux prendre la peine de lui dire un mot, je l'enlève à son palais, à ses meubles d'or, à son oncle roi, et tout cela pour l'amener en France, au fond de la Provence, puis voter tristement dans une de mes terres. Ma foi, la perspective de ces dévouements ne m'inspire que la résolution la plus vive de ne jamais le lui demander. Narcine est bien moins jolie, elle-même si elle-même, tout juste un peu plus que le castrat Butofaco que je lui ai fait renvoyer hier. Mais elle a de l'usage à se vivre. On peut arriver chez elle en carrosse, et je suis bien assuré qu'elle ne fera jamais de scène. Elle n'est même pas assez pour cela. Pendant ce long silence, les regards fixes de la jeune princesse n'avaient pas quitté les jolis fronts du jeune Français. « Je ne les verrai plus, » se dit-elle. Et tout à coup, elle se jeta dans ses bras et couvrit de baisers ses fronts et ses yeux qui ne rougissaient plus de bonheur en les revoyant. Les chevaliers se fût mésestimé s'il ne pas oublié à l'instant tout ce projet de rupture. Mais sa maîtresse était trop profondément émue pour oublier sa jalousie. Peu d'instants après, Sénécé la regardait avec étonnement. Des larmes de rage tombaient rapidement sur ses joues. « Quoi ? » disait-elle à demi-voix. « Je m'avilis jusqu'à lui parler de son changement. Je le lui reproche, moi, qui m'étais juré de ne jamais m'en apercevoir. Et ce n'est pas assez de bassesse, il faut encore que je cède à la passion qui m'inspire cette charmante figure. Ah, vile, vile, vile princesse, il faut en finir. » Elle essuya ses larmes et parut reprendre quelque tranquillité. « Chevalier, il faut en finir, lui dit-elle assez tranquillement. Vous paraissez souvent chez la comtesse. » Ici, elle parut extrêmement. « Si tu l'aimes, vas-y tous les jours, souhaite, mais ne reviens plus ici. » Elle s'arrêta comme malgré elle. Elle attendait un mot du chevalier. Ce mot ne fut point prononcé. Elle continua avec un petit mouvement convulsif et comme en serrant les dents. « Ce sera l'arrêt de ma mort et de la vôtre. » Cette menace décida la main certaine du chevalier, qui jusque-là n'était qu'étonné de cette bourrasque imprévue après tant d'abandon. Il se mit à rire. Une rougeur subite couvrit les joues de la princesse qui devient écarlate. La colère va la suffoquer, pensa le chevalier. Elle va voir un coup de sang. Il s'avança pour délasser sa robe et les repoussa avec une résolution et une force auxquelles il n'était pas accoutumé. Sénécé se rappela plus tard que, tandis qu'il essayait de la prendre dans ses bras, il avait entendu se parler à elle-même. Il se retira un peu, discrétion inutile, car elle semblait ne plus le voir. D'une voix basse et concentrée, comme si elle lui parlait à son confesseur et se disait « Il m'insulte, il me brave. Sans doute, à son âge, avec l'indiscrétion naturelle à son pays, il va raconter à l'orsini toutes les indignités auxquelles je m'abaisse. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne puis me répondre même de rester insensible devant cette tête charmante. » Ici, il y eut un nouveau silence, qui sembla fort ennuyeux au chevalier. La princesse s'éleva enfin, répétant d'un ton plus sombre. Il faut en finir. Sénécé, à qui la réconciliation avait fait perdre l'idée d'une explication sérieuse, lui adressa deux ou trois mots plaisants sur une aventure dont on parlait beaucoup à Rome. « Laissez-moi, chevalier, lui dit la princesse en l'interrompant. Je ne me sens pas bien. » Cette femme s'ennuie, se dit Sénécé en se hâtant d'obéir, et rien de contagieux comme la nuit. La princesse l'avait suivi des yeux jusqu'au bout de la salle. « Et j'allais décider à l'étourdi du sort de ma vie, » dit-elle avec un sourire amer. Heureusement, sa plaisanterie de placer m'a réveillée. Quelle sottise chez cet homme! Comment puis-je aimer un être qui me comprend si peu? Il veut m'amuser par un mot plaisant quand il s'agit de ma vie et de la sienne. Ah, je reconnais bien là cette disposition sinistre et sombre qui fait mon malheur. Et elle s'éleva de son fauteuil avec fureur, comme ses yeux étaient jolis quand il m'a dit ce mot. Il faut l'avouer, l'intention du pauvre chevalier est aimable. Il a connu le malheur de mon caractère, il voulait me faire oublier les sombres chagrins qui m'agitaient au lieu de m'en demander la cause. Aimable français. Au fait, j'ai connu le bonheur avant de l'aimer. Elle s'est mise à penser avec délice aux perfections de son amant. Peu à peu, elle fut conduite à la contemplation des grâces de la comtesse Orsini. Son âme commença à voir tout en noir. Les tourments de la plus affreuse jalousie s'emparèrent de son cœur. Réellement, un pressentiment funeste l'agitait depuis 2 mois. Elle n'avait des moments passables que ceux qu'elle passait auprès du chevalier, et cependant, presque toujours, quand elle n'était pas dans ses bras, elle lui parlait avec aigreur. Sa soirée fut affreuse. Épuisée et comme un peu calmée par la douleur, elle eut l'idée de parler au chevalier. Car enfin, il m'a vu irritée, mais il ignore le sujet de mes plaintes. Peut-être il n'aime pas la comtesse. Peut-être il ne se rend chez elle que parce qu'un voyageur doit voir la société du pays où il se trouve, et surtout la famille du souverain. Peut-être si je me fais présenter ce n'est s'il peut venir ouvertement chez moi, il passera 2 heures entières, comme chez l'Orsini. Non, s'écria-t-elle avec rage, je m'avilirai en parlant. Il me méprisera et voilà tout ce que j'aurai gagné. Le caractère évaporé de l'Orsini que j'ai si souvent méprisé, folle que j'étais, est dans les faits le plus agréable que le mien, et surtout aux yeux d'un Français. Moi, je suis faite pour m'ennuyer avec un Espagnol. Quoi de plus absurde que d'être toujours sérieux, comme si les événements de la vie ne l'étaient pas assez eux-mêmes. Que deviendrai-je quand je n'aurai plus mon chevalier pour me donner la vie, pour jeter dans mon cœur ce feu qui me manque? Elle avait fait fermer sa porte, mais cet ordre n'était point pour Monseigneur Ferraterra, qui vint lui rendre compte de ce qu'on avait fait chez l'Orsini jusqu'à 1 heure du matin. Jusqu'ici, ce prélat avait servi de bonne foi les amours de la princesse, mais il ne doutait plus, depuis cette soirée, que bientôt ce n'essai ne fût au mieux avec la comtesse Orsini si ce n'était déjà fait. La princesse dévote, pensa-t-il, mais serait plus utile que femme de la société. Toujours il y aura un être qu'elle me préférera, ce sera son amant, et si un jour cet amant est romain, il peut avoir un oncle à faire cardinal. Si je la convertis, c'est au directeur de sa conscience qu'elle pensera avant tout et avec tout le feu de son caractère. Que ne puis-je pas espérer d'elle auprès de son oncle? Et l'ambitieux prélat se perdait dans un avenir délicieux. Il voyait la princesse se jetant aux genoux de son oncle pour lui faire donner le chapeau. Le pape serait très reconnaissant de ce qu'il allait entreprendre. Aussitôt la princesse convertie, il ferait parvenir sous les yeux du pape des preuves irréfutables de son intrigue avec les jeunes Français. Pieux, sincère et abhorrant les Français, comme sa sainteté, il aura une reconnaissance éternelle pour l'agent qui aura fait finir une intrigue aussi contrariante pour lui. Ferrater appartenait à la haute noblesse de Ferrare. Il était riche, il avait plus de 50 ans. Animé par la perspective si voisine des chapeaux, il fit des merveilles. Il osa changer brusquement de rôle près de la princesse. Depuis 2 mois que Sénécé la néglige évidemment, il eût pu être dangereux de l'attaquer, car à son tour le prélat, comprenant mal Sénécé, le croyait ambitieux. Le lecteur trouverait bien long les dialogues de la jeune princesse, folle d'amour et de jalousie, et du prélat ambitieux. Ferrater avait débuté par l'aveu le plus ample de la triste vérité. Après un début aussi saisissant, il ne lui fut pas difficile de réveiller tous les sentiments de religion et de la piété passionnée qui n'étaient qu'assoupis au fond du cœur de la jeune romaine. Elle avait une foi sincère. « Toute passion impie doit finir par les malheurs et par les déshonneurs », lui disait le prélat. Il était grand les jours quand il sortit de Campobasso. Il avait exigé de la nouvelle convertie la promesse de ne pas recevoir Sénécé ce jour-là. Cette promesse avait peu coûté à la princesse. Elle se croyait pieuse et, dans les fêtes, avait peur de se rendre méprisable par sa faiblesse aux yeux du chevalier. Cette résolution tint ferme jusqu'à 4 heures, c'était le moment de la visite probable du chevalier. Il passa dans la rue, derrière les jardins du palais Campobasso, vit des signaux qui annonçaient l'impossibilité de l'entrevue et, tout content, s'en alla chez la comtesse Orsini. Peu à peu, la Campobasso se sentit comme devenir folle. Les idées et les résolutions les plus étranges se succédaient rapidement. Tout à coup, elle descendit les grands escaliers de son palais comme en démence et monta en voiture en criant au cocher « Palais Orsini !» L'excès de son malheur la poussait comme malgré elle à voir sa cousine. Elle la trouva au milieu de 50 personnes. Tous les gens d'esprit, tous les ambitieux de Rome ne pouvant aborder au palais Campobasso affluaient au palais Orsini. L'arrivée de la princesse fit événement. Tout le monde s'éloigna par respect et ne daigna pas s'en apercevoir. regardait sa rivale et l'admirait. Chacun des agréments de sa cousine était un coup de poignard à son cœur. Après les premiers compliments, l'Orsini, la voyant silencieuse et préoccupée, reprit une conversation brillante et désinvolte. Comme sa gaieté convient mieux au chevalier que ma folle et ennuyeuse passion, se disait la Campobasso. Dans un inexplicable transport d'admiration et de haine, elle se jeta au cou de la comtesse. Elle ne voyait que les charmes de sa cousine. De près comme de loin, il lui semblait également adorable. Elle comparait ses cheveux aux siens, ses yeux, sa peau. À la suite de cet étrange examen, elle se prenait elle-même en horreur et en dégoût. Tout lui semblait adorable, supérieur, chez sa rivale. Immobile et sombre, la Campobasso était comme une statue de basalte au milieu de cette foule gesticulante et bruyante. On entrait, on sortait, tout ce bruit importunait et offensait la Campobasso. Mais que devint-elle quand tout à coup elle entendit annoncer Monsieur de Senecé? Il avait été convenu, au commencement de leur relation, qu'il ne lui parlerait fort peu dans le monde, et comme ici un diplomat étranger qui ne rencontre que deux ou trois fois par mois la nièce du souverain auprès duquel il est accrédité. Senecé la salua avec le respect et le sérieux accoutumés, puis, revenant à la comtesse Orsini, il reprit le ton de gaieté presque intime que l'on a avec une femme d'esprit qui vous reçoit bien et que l'on voit tous les jours. La Campobasso en était atterrée. La comtesse me montre ce que j'aurais dû être, se disait-elle. Voilà ce qu'il faut être, et ce que pourtant je ne serai jamais. Elle sortit dans les derniers degrés de malheur où puisse être jetée une créature humaine, presque résolue à prendre du poison. Tout le plaisir que l'amour de Senecé lui avait donné n'aurait pu égaler l'excès de douleur où elle fut plongée pendant toute une longue nuit. On dirait que ces âmes romaines ont pour souffrir des trésors d'énergie inconnus aux autres femmes. Le lendemain, Senecé repassa et vit les signes négatifs. Il s'en allait gaiement. Cependant, il fut piqué. C'est donc mon congé qu'elle m'a donné l'autre jour? Faut que je la voie dans les larmes, dit sa vanité. Il éprouvait une légère nuance d'amour en perdant à tout jamais une aussi belle femme, nièce du pape. Il quitta sa voiture et s'engagea dans les souterrains peu propres qui lui déplaisaient si fort et vit forcer la porte de la grande salle au rez-de-chaussée où la princesse le recevait. Comment? Vous osez paraître ici? Dit la princesse étonnée. Cet étonnement manque de sincérité, pensa le jeune français. Elle ne se tient dans cette pièce que quand elle m'attend. Le chevalier lui prit la main, elle frémit. Ses yeux se remplirent de larmes, elle sembla si jolie au chevalier qu'il eut un instant d'amour. Elle, de son côté, oublia tous les serments que pendant 2 jours elle avait fait à la religion, et elle se jeta dans ses bras parfaitement heureuse. Et voilà le bonheur dont désormais l'Orsini jouira. Senecé, comprenant mal, comme à l'ordinaire, une âme romaine, crut qu'elle voulait se séparer de lui avec bonne amitié, rompre avec des formes. Il ne me convient pas, attaché que je suis à l'ambassade du roi, d'avoir pour ennemi mortel, car telle serait la nièce du souverain auprès duquel je suis employé. Tout fier de l'heureux résultat auquel il croyait arriver, Senecé se mit à parler raison. Il vivrait dans l'union la plus agréable, pourquoi ne serait-il pas très heureux? Qu'avait-on dans les fêtes à lui reprocher? L'amour ferait place à une bonne et tendre amitié, il réclamait instamment le privilège de revenir de temps à autre dans les lieux où il se trouvait. Le rapport aurait toujours de la douceur. D'abord, la princesse ne le comprit pas. Quand, avec horreur, elle le comprit, elle resta debout, immobile, les yeux fixes. Enfin, à ce dernier trait de la douceur de leur rapport, elle l'interrompit d'une voix qui semblait sortie du fond de sa poitrine, et en prononçant lentement « C'est-à-dire que vous me trouvez, après tout, assez jolie pour être une fille employée à votre service ?» Mais, chère bonne amie, l'amour propre n'est-il pas sauf? Répliqua Senecé à son tour vraiment étonné. Comment pourrait-il vous passer par la tête de vous plaindre? Heureusement jamais notre intelligence n'a été soupçonnée de personne. Je suis homme d'honneur, je vous donne de nouveau ma parole que jamais être vivant ne se doutera du bonheur dont je jouis. Pas même l'Orsini, ajouta-t-elle d'un ton froid qui fit encore illusion au chevalier. Vous avez jamais nommé, dit naïvement le chevalier, les personnes que j'ai pu aimer avant d'être votre esclave. Malgré tout mon respect pour votre parole d'honneur, c'est cependant une chance que je ne courais pas, dit la princesse d'un air résolu, et qui enfin commença à étonner un peu le jeune français. Adieu, chevalier. Et, comme il s'en allait un peu indécis, viens m'embrasser, lui dit-elle. Elle s'attendrit évidemment, puis elle dit d'un ton ferme adieu, chevalier. La princesse envoya chercher Ferrater. C'est pour me venger, lui dit-elle. Le prélat fut ravi. Elle va se compromettre. Elle est à moi à jamais. 2 jours après, comme la chaleur était accablante, Senecé alla prendre l'air au cours sur les minuit. Il y trouva toute la société de Rome. Quand il voulut reprendre sa voiture, cela que put à peine lui répondre, il était ivre. Le cocher avait disparu. Le laquais lui dit, en pouvant à peine parler, que le cocher avait pris dispute avec un ennemi. « Ah, mon cocher a des ennemis !» dit ce n'est sans rien. En revenant chez lui, il était à peine à 2 ou 3 rues du Corso, qu'il s'aperçut qu'il était suivi. Les hommes, au nombre de 4 ou 5, s'arrêtaient quand ils s'arrêtaient, recommençaient à marcher quand ils marchaient. « Je pourrais faire le crochet et regagner le Corso par une autre rue, » pensa Senesse. « Bah, ces malotrous ne valent pas la peine, je suis bien armé. » Il avait son poignard nu à la main. Il parcourut, en pensant ainsi, 2 ou 3 rues de plus en plus solitaires. Il entendait ces hommes qui doublaient les pas. À ce moment, levant les yeux, il remarqua droit devant lui une petite église desservie par des moines de l'ordre de Saint-François, dont les vitraux jetaient un éclat singulier. Il se précipita vers la porte et frappa très fort avec les manches de son poignard. Les hommes qui semblaient le poursuivre étaient à 50 pas de lui. Ils se mirent à courir sur lui. Un moine ouvrit la porte, Senesse se jeta dans l'église, le moine referma la barre de fer de la porte. Les assassins donnèrent des coups de pied à la porte. Les impies, dit le moine. Senesse lui donna un second. Décidément, il m'en voulait, dit-il. Cette église était éclairée par un millier de cierges au moins. Comment? Un service, à 7 heures, dit-il au moins. Excellence, il y a une dispense de l'éminentissime cardinal vicaire. Tout le parvis étroit de la petite église de San Francesco a Ripa était occupé par un mausolée magnifique. On chantait l'office des morts. Qu'est-ce qui est mort? Quelque prince? Dit Senesse. « Sans doute, répondit le prêtre, car rien n'est épargné. Mais tout ceci, cet argent est si perdu. Monsieur le doyen nous a dit que le défunt est mort dans l'impénitence finale. » Senesse s'approchait. Il vit des écussons d'une forme française. Sa curiosité redoubla. Il s'approcha tout à fait et reconnut ses armes. Il y avait une inscription latine « Nobilis homo Johannes Norbertus Senece eques decessit Rome ». « Ô et puissant seigneur Jean Norbert de Senesse, chevalier mort à Rome. »« Je suis le premier homme, » pensa Senesse, « qui a eu l'honneur d'assister à ses propres obsèques. Je ne vois que l'empereur Charles Quint qui se soit donné ce plaisir. Il ne fait pas bon pour moi dans cette église. » Il donna un second second au sacristain. « Mon père, lui dit-il, faites-moi sortir par une porte de derrière de votre couvent. »« Bien volontiers, dis-le-moi. » À peine dans la rue, Senesse, qui avait un pistolet à chaque main, se mit à courir avec une extrême rapidité. Bientôt, il entendit derrière lui des gens qui le poursuivaient. En arrivant près de son hôtel, il vit la porte fermée à un homme devant. « Voici le moment de l'assaut », pensa le jeune français. Il se préparait à tuer l'homme d'un coup de pistolet lorsqu'il reconnut son valet de chambre. « Ouvrez la porte !» lui cria-t-il. Elle était ouverte, ils entrèrent rapidement et la refermèrent. « Ah, monsieur, je vous ai cherché partout. Voici de bien tristes nouvelles. Le pauvre Jean, votre cocher, a été tué à coups de couteau. Les gens qui l'ont tué vomissaient des imprécations contre vous. Monsieur, on en veut à votre vie. » Comme le valet parlait, 8 coups de tromblon partant à la fois d'une fenêtre qui donnait sur les jardins, étendirent Senesse mort à côté de son valet de chambre. Ils étaient percés de plus de 20 balles chacun. 2 ans après, la princesse Campobasso était vénérée à Rome comme le modèle de la plus haute piété. Et depuis longtemps, Monseigneur Ferraterra était cardinal. Excusez les fautes de l'auteur.